Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien. C'est la saga des Fab Four numéro 571 qui démarre en ce mercredi 13 septembre 2023. C'est la 40e saison, c'est dingue hein, 40e saison qui démarre, qui aura son point culminant quelque part en avril lorsqu'on fêtera les 40 ans de la saga des Fab Four et je compterai sur vous à ce moment-là. On fera une émission de 4 heures à peu près puisque Eric est déjà d'emblée d'accord. Et ce sera vraiment très très très bien. L'album de la semaine, on continue avec Paul McCartney, c'est Egypt Station, parce que comme la semaine dernière, j'ai démarré la nouvelle saison avec New, et je vous ai toujours dit que j'aimais beaucoup New, mais que Egypt Station j'aimais encore plus, eh bien, j'ai décidé d'en faire le deuxième album de cette nouvelle saison. On écoutera I Don't Know, Happy With You, Despite Repeated Warning, Hand in Hand, Do It Now, et le fameux... medley que j'adore, Aren't You Down, Naked et Ceiling. Ce sera vraiment très très bien. Ce sera en fin d'émission. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Woman is the Nigger of the World sur Sometime in New York City en 1972. Pour Harrison, ce sera All Things Must Pass, mais le remix 2020, s'il vous plaît. Sorti de l'album à l'origine en 1970. Quant à Ringo Starr, il nous chantera Goodnight Vienna en 1974 sur l'album éponyme Goodnight Vienna. On attaquera les Beatles avec une chanson qui a déjà 60 ans. La vache, qu'est-ce que ça passe vite. Please Please Me, extrait de l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs, que j'appelle affectueusement Please Please Me tout court, c'est plus facile. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de John, Paul, Ringo et John. John, Paul, Ringo et George. Il me semblait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. La Saga des Fab Four, c'est parti. This after going through a difficult period. I Don't Know, cette chanson, je l'ai écrite un jour où je me sentais pas bien, ou pas un truc de dingue, quoi, mais je me disais juste qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et on écrit des chansons pour exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi, plutôt que d'aller chez un spécialiste, par exemple, pour en parler. Et c'est ça, cette chanson, c'est je ne sais pas. Mais c'est juste thinking this problem out and putting it into a song. When it started to rain, where am I going? Extrait du plus mauvais album solo de John Lennon en 1972, Sometime in New York City. Non, si, c'est ça, Sometime in New York City. Et trop politique, trop de Yoko chanté dedans. Même lorsqu'il y a un live, le deuxième disque était un live, malheureusement on entend, on croit que c'est un saxo complètement mal accordé. Et non, c'est Yoko qui hurle sur Well... Sur une chanson, en tout cas. Je ne l'ai pas en tête, excusez-moi. Je ne suis pas à ce que je fais. J'étais en train de lire autre chose il y a quelques secondes. Bref, cet album n'est pas bon, mais il y a toujours quelques chansons intéressantes, comme cette chanson-ci, Woman is the Nigger of the World, de John Lennon. La suite, c'est George Harrison, en 1970, et le remix 2020, 50 ans plus tard, avec cette chanson, All Things Must Pass, sur RIG 90.7. Yeah. Nous avons écouté depuis le début de cette émission I Don't Know par Paul McCartney sur Egypt Station, Woman is the Nigger of the World par John Lennon sur Sometime in New York City. Il y a eu ensuite All Things Must Pass par George Harrison sur l'album éponyme All Things Must Pass. Et à l'instant, Goodnight Vienna sur l'album éponyme aussi, Goodnight Vienna par Ringo Starr. Avant d'écouter les Beatles, il vous faut tout savoir sur le site qu'il faut consulter pour tout savoir sur les Beatles. Ce site, c'est le site de Lovely Rita. Mais alors, qui est Lovely Rita? Eh bien, Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles. C'est la saga. Lorsque John se mit au travail sur cette chanson dans sa chambre au 251 Main Love Avenue à Liverpool, il imagina l'interprétation que Roy Orbison pourrait en donner, parce qu'il venait juste d'écouter Only the Lonely. Il est d'ailleurs facile d'imaginer une version plus lente de Please Please Me, chantée par Orbison. Ça aurait donné quelque chose comme Please Please Me, oh yeah, etc. Le chanteur américain, un homme pâle, un peu empâté, qui ne quittait jamais ses lunettes noires, ne ressemblait pas à l'idée que l'on pouvait se faire d'une star du rock. Mais il était brillant et inspiré, et composait ses propres chansons. Ses textes parlaient d'amour perdu, de nostalgie, de solitude. Il était facile à John de s'identifier à lui. Quelques mois après que Please Please Me fut sorti et eut atteint la deuxième place des charts, les Beatles furent choisis pour assurer la première partie de la tournée de 3 semaines que Roy Orbison allait faire en Grande-Bretagne. Nous n'avons jamais parlé d'écriture durant cette tournée, raconta Orbison des années plus tard. Le sujet qui les préoccupait à l'époque était ce que je pensais de leur chance sur le marché américain. Je leur ai conseillé de se faire connaître en tant qu'anglais et d'apparaître dans une émission genre Ed Sullivan Show. C'est ce qu'ils firent. Dans une interview au New Musical Express accordée en 1963, Orbison ajouta: les Beatles pourraient être numéro 1 aux États-Unis. Ces garçons ont assez d'originalité pour conquérir les charts américains au pas de charge, comme ils l'ont fait ici, à condition de le faire bien. Ils ont quelque chose qui est entièrement nouveau, même pour les Américains. Et malgré tous nos groupes capables d'obtenir un succès, je crois qu'ils pourraient gagner la tête des charts. Il est intéressant de voir enfin paraître des nouvelles stars qui ne sont pas des versions édulcorées d'Elvis Presley. J'ai l'impression qu'ils ont défini et ont rendu célèbre leur propre son, et je crois que c'est le meilleur qui soit. Pour vous, c'est le son du Merseyside, mais je suis certain que les Américains diront que c'est le nouveau son anglais. Il avait bien vu quand même Roy Orbison à cette époque-là. On retrouve, si vous le voulez bien, l'album de la semaine, et Paul McCartney qui vous explique tout sur la seconde chanson, Happy With You, sur RIG. Yeah, I was on holiday and I was just noodling around on my guitar and j'étais en vacances et j'allais à droite à gauche avec ma guitare. J'avais plein de temps libre et en fait, je faisais rien de la journée. Je buvais un petit peu, je faisais rien. I'd got this little riff on the guitar. Je t'occupais rien faire. The words came to me, you know, I used to lie around all day. Et j'ai eu ce riff sur ma guitare. But these days I don't. Et les mots sont venus dans mon esprit. You know, there's a period in your life or in some people's lives when they're not being. C'est une chanson à propos de grandir. Disciplined as they may later turn out to be. So this was basically it.

Les chansons du film Hard Day's Night étaient toutes livrées, mais la course n'était pas terminée. Il leur fallait la deuxième face de l'album. John était alors le plus prolifique. Il avait composé 5 des 7 chansons du film et allait écrire tous les titres de la face B de l'album, sauf un. Ce tour de force fut réalisé non sans difficulté. Il admit plus tard que Anytime At All n'était qu'une variation à peine déguisée d'une autre de ses chansons, It Won't Be Long. Elle reprenait la même progression d'accords de Do en La bémol, puis retour en Do. J'y connais rien, je suis pas musicien. Et John la chanta exactement dans le même ton. En janvier 64, il s'exprima sur l'évolution de sa technique de composition. Au début, dès que je trouvais un nouvel accord, j'écrivais une chanson dessus. Je pensais qu'il y avait des millions d'accords et que je ne cesserais jamais de trouver des mélodies. Mais c'est finalement devenu une obsession et nous avons commencé à ajouter des accords qui étaient parfois inutiles. Alors nous avons décidé de revenir à l'essentiel et je crois que c'est préférable. C'est peut-être agréable pour nous de rajouter un accord nouveau, mais le public n'aimera pas plus la chanson pour ça. Voilà ce que nous faisons maintenant. D'après John, il y a eu 3 autres chansons remodelées. Yes It Is était une révision de This Boy, Paperback Writer était le fils de Day Tripper et Get Back, une ressucée de Lady Madonna. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson et de ce talent qu'avait John à trouver que toutes ses chansons étaient mauvaises. Décidément, il ne savait pas reconnaître son propre génie. Il était très fort lui aussi. En 1982, sur Guntrop, Wake Up My Love, c'est George Harrison. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles le mercredi. sorti en single en 1971. C'était toute la période révolutionnaire politique de John Lennon. S'y calmait après, puisque en 1980, lorsqu'il a fait son retour, il disait « J'ai 40 ans, je me sens bien, j'ai tout l'avenir devant moi ». Malheureusement, ça n'était pas le cas. Revoici l'album de la semaine. Cette fois-ci, Paul nous parle de « Despite Repeated Warnings » sur RIG. I was in Japan and I was reading a newspaper. I think it was like the Tokyo Times, Japan Times or something. And there was something about climate change. And it's typical, you know, the way people are kind of not doing anything about it. It's all going to be fine, don't worry. J'étais au Japon et dans le journal local, il parlait du changement climatique. So don't worry about it, you know. And the phrase et puis il disait un truc dans le genre « Bon, ben, c'est pas très grave tout ça, parce que c'est pas chez nous. » Et moi, l'idée, c'était, malgré tout ce qu'on a pu dire, on va droit en mur. J'ai fait une sorte de chanson dans laquelle j'ai utilisé des symboles. Certains politiciens, etc., qui parlent de changement climatique en disant que c'est des faux. One of those people. So I thought, okay, it's a sea captain, and he's steering a boat. C'est comme un, and he's going to go towards the capitaine iceberg, qui, but he's been warned. Well, he's going because he thinks he's right. Il conduirait un navire et on lui dit il y a un iceberg devant et puis lui il dit bon. So that's what it's about. It's a sort of story. Like the Titanic, if they'd been warned, une sorte d'histoire icebergs, comme le Titanic. And the captain said, doesn't matter, we'll be fine. So it's that, using that kind of idea. So there's a sort of mad, daft captain, and then there's all the people. C'est une de ces chansons comme Ben on the Run ou Leave It Let Die qui parle des choses du moment. So it's one of those songs like Ben on the Run or Live and Let Die. It's kind of episodic. C'est pas de la fausse information. It's kind of an epic production. On a un capitaine qui nous envoie droit sur l'iceberg. Climate change is not a hoax. And that we should avoid having a mad captain steering us towards the icebergs. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening to what's been said. Seem to eyes. The gas gonna leave us when the temperatures rise. The heater's going up, the engine's gonna blow. En plein cœur de la saga des Fab Four numéro 571 dans cette 40e saison qui démarre depuis, ben, c'est la deuxième semaine, je vais peut-être pas le dire à chaque fois, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h, puisqu'à 22h il y aura Eric, le retour enfin, et son Johnny de A à Z. Ce sera un live il me semble, puisque ce sera pour lui le premier mercredi du mois, et ce sera certainement très très très bien. Nous avons entendu l'album de la semaine, c'est Egypt Station. Et voici la suite de la saga sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr si vous le préférez. Voici In My Life, John Lennon avec les Beatles à son meilleur. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever. Still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories lose their meaning. And I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.

Résumons-nous. En 1969, ça commence vraiment à taper dur chez les Beatles, même si le film Come Together a bien montré, ou plutôt Get Back, a bien montré qu'il y avait encore des moments où tout allait bien, où ça se passait bien, où ils se retrouvaient. Bref, ils commencent à enregistrer à la moitié un film, des séances en tout cas d'enregistrement, qui se termineront par Let It Be, mais qui va rester sous cloche jusqu'en 1970. Puis McCartney fait des pieds et des mains pour dire « Allez, on en fait un dernier, quoi, les gars, on va pas rester là-dessus. » Et on fait l'album Abbey Road, sorti en 1969, un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. Et puis, tout le monde s'en va de son côté. On se dit « Bon, bah, on attend John Lennon, on attend Paul McCartney. » D'abord, c'est George Harrison qui va faire la surprise avec l'album All Things Must Pass. Mais Ringo Starr, cette année-là, va sortir deux albums. Imaginez-vous que du temps des Beatles, il chantait une chanson, voire deux, par album, et encore, si on lui en laissait la possibilité, il ne disait rien. Là, il sort deux 33 tours coup sur coup, et deux trucs finalement qui résistent bien au temps, puisque cette chanson « Bye Bye Blackbird », c'est en hommage aux années 30-40, pour faire plaisir à sa maman, avait-il dit, et c'est vrai que ça va très bien au timbre de voix de Ringo Starr. Et l'album suivant, sorti la même année donc, c'est un album enregistré en 15 jours à Nashville, de la country, et la country, ça va très très bien à Ringo Starr. Bref, lui aussi, il a réussi, alors lui, il a quintuplé son boulot, et en plus, il a travaillé avec John Lennon, il a travaillé avec George Harrison. Bref, ça a été, bon, il avait que 30 ans, il a bossé Ringo Starr, et il a eu raison. Maintenant, nous retrouvons l'album de la semaine, c'est l'album Egypt Station, sorti en 2018 par Paul McCartney. Vous rendez compte que ça fait 5 ans déjà. Qu'est-ce que ça passe vite. Voici Paul qui nous explique la chanson suivante, cette chanson qui s'appelle Hand in Hand sur RIG. Sometimes songs just come to you sort of late at night, and I've got a piano at home, and in actual fact this particular piano happens to be my dad's old piano, so it's special to me, and I was quelquefois il y a des chansons qui nous arrivent tard dans la nuit, j'ai un piano à la maison et c'était le piano de mon père. Ça veut dire quelque chose de spécial pour moi. Et cette nuit-là, j'ai trouvé ces accords, les accords de Hand in Hand. C'est basiquement une chanson d'amour et au fur et à mesure que je l'ai écrit, je pensais à Nancy et moi. Des démarrages de notre relation. Et puis je me suis dit que ça concernait beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans cette situation. Quand tu tombes amoureux et que tu as envie d'être main dans la main. We liked what they'd done. We said, that's great, thank you. And one of them sort of said, oh, you know what? I'm getting married for the second time and I'm a little bit nervous. He said, but this song has made me think it's gonna work out all right. So I thought, that's it. You know, that's a reason right there. Une des musiciennes qui était au moment de l'enregistrement a dit, je vais me marier dans pas longtemps. Et j'avais un peu la trouille. Et cette chanson m'a fait penser, bah, ça va bien se passer. Make it J'ai l'impression que l'émission passe très très vite aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Nous en sommes déjà à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George que quelqu'un d'autre a repris. Que ses quatre amis les chantaient avec les Beatles ou en solo. Et même si eux faisaient déjà la reprise de quelqu'un, il faut que les Beatles aient chanté cette chanson. Et là, c'est le cas. Et c'est Dr. Robert, vous savez, le Two Beatles or Not To Be, qui se trouve quelque part dans l'Est, du côté de la Savoie, il me semble, une fois par mois, le deuxième mercredi du mois. Et ça doit être aujourd'hui, mais c'était avant notre émission. Bref, il m'a fait découvrir un certain Randy Bachman qui nous chante I Need You, chanson de George Harrison avec les Beatles, mais dans une version que je trouve vraiment excellente. Elle est remise au goût du jour, j'aime beaucoup cette version. La voici, la cover. I didn't realize as I looked in your eyes.

Chef-d'œuvre coup sur coup, dont le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, All You Need Is Love, et à l'instant, The Fool on a Hill, les Beatles sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Je sais, je sais. Enfin, c'est le titre du morceau, I Know, John Lennon sur RIG. do it now is an expression my dad used to say. It's funny, you know, as you get older, you remember things that your parents or maybe teachers or friends said. Do it now, c'est-à-dire fais-le maintenant, c'est une phrase que le père de Paul avait l'habitude de lui dire. Comme, rappelez-vous, il avait dit aussi, pose ça là si ça pèse une tonne. Petite idée, en 89, sur l'album Flowers and Odor. Bon, mais là, je dévie. Et donc... il disait « do it now », il arrive même à dire quelquefois « D-I-N », c'est-à-dire les initiales, « do it now », D-I-N. Et Paul se disait d'ailleurs que ça ferait un chouette nom pour une maison de disques, D-I-N, D-I-N, peut-être comme dynamique, je ne sais pas. Et bref, son père lui disait « fais ça maintenant avant qu'il soit trop tard », ça doit rien regretter globalement. Quoi. Et il a trouvé que c'était une très belle idée pour écrire une chanson. Voilà. So there it is, do it now. Got the time, the inclination. I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. Chanson sur l'album Egypt Station, sorti en 2018 par Paul McCartney. George Harrison, c'est en 1976 sur ce très bon album qui s'appelle 33 and one third, c'est-à-dire 33 et un tiers, qui était la vitesse de rotation du 33 tours lorsque les anciens, nous, on se rappelle de ça. Il y avait les 45 tours, il y avait même les 78 tours, il y avait même les 16 tours. Je n'ai pas connu, mais dans ma jeunesse, je me souviens d'une sorte de valise qui avait la platine tourne-disque plus le haut de la valise, ça faisait un haut-parleur. Il y avait 16 tours, 33 tours, 45 tours et 78 tours. Bref, tout ça pour vous dire que c'était aussi l'âge de, à peu près, de George Harrison en 1976 et cette très très belle chanson Beautiful Girl sur R.I.G. Dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. For this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly into the line of a dark black night. fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Dans un peu plus de 20 minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Pour l'instant, on écoute le dernier morceau issu de extrait de l'album Egypt Station de Paul McCartney en 2018. Et vous savez que je l'adore. Hunt You Down, Naked et Sea Link à la suite. Paul nous explique comment lui est venu ce triptyque. That's a three-part song which goes from this sort of rocker, Hunt You Down, and the words are I can't find my love, no matter how hard I try. You know, it's giving me the runaround. It's kind of like blues complaining lyrics. C'est une chanson en trois parties. I can't find my love. Il commence par un truc de rocker, un truc de blues. Je trouve pas mon ami, même si j'essaie vachement fort. And then it goes through into another song called Naked. And again, it links through, because there's like a tempo change at the end of Hunt You Down. It goes from 4-4 into 3-4. Ça, c'est devenu Hunt You Down. And goes into this other song, which is a very simple song that I'd recorded pretty much on my own. It's deuxième a truc song qui s'appelle Naked, tenu, qui est un changement and, you know, de rythme. Through, life, passe de 3-4, de 4-4 à 3-4. Ce que j'ai, une chanson que j'ai fait pour la plupart tout seul. Socially, you can sort of feel naked. I don't know how to deal with this, you know. So that was a song about, that's my take on that. As I say, I played it myself and sang it myself in the studio. And then that links on to another thing we called C-Link in the end, which is just me totally indulging tout seul, un peu comme si j'étais nu, quoi, parce que quand on traverse la vie, on est quelque chose socialement nu devant les autres quand on se met à nu, quoi. C'est ça le principe. People often say, why do you still do it? I say, well, because I love it. I love this thing, and I'm still thrilled with having the privilege. Pour la dernière partie, of being able to ça a duré beaucoup plus longtemps, et c'est juste moi avec une guitare, et je me suis éclaté. Very loud. Je me suis rendu compte que je pouvais toujours le faire. You know, it's never stopped being a thrill that. And then there were certain little phrases that were kind of more melodic. Prendre une guitare, la brancher dans l'ampli et jouer très fort, c'est génial. So we orchestrated a few of the phrases and made it a little bit more of a composition. It was an idea that I fancied doing. I'd fancied doing it for a long time, of just getting someone, turned out to be me, who was just going to get someone to play blues guitar against an orchestra holding a chord. In this case, it was C and then C minor. Just the orchestra just hold this chord forever and ever and ever, and then this guitar playing over the top of it. And that finishes the album. Et là, c'était moi qui jouais la guitare contre un orchestre. Moi tout seul contre un orchestre. Et c'était en C. Alors ça, j'ai jamais compris le Do, Ré, Mi, Fa, Sol quand ça joue en ABC. Donc à vous de comprendre. Mais c'est ça, le troisième morceau, Sea Link. rajoute un bonus sur cet album-là. Le titre du morceau, c'est Nothing for Free sur RIG. Ok. is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. Complètement improvisé par les Bulldogs, les Beatles en tout cas. Hey Bulldogs sur RIG. Et si on terminait avec deux Ringo Starr ? Allons-y. Le premier est de 2008. Are you ready sur RIG ? Are you ready to cross over ? Are you ready to let go ? To face the final curtain ? In the land of I don't know. Jesus was the wise man and everyone's the same. Are you ready to cross over? Are you ready? You can read the good and bad books, read them fast or slow, but is it fact or fiction? There's just one way to know. Buddha was dancing underneath the Bodhi tree. He was ready to cross over. He was ready. So I hold on, hold on. It's good that you believe, but it's better if you know. Don't hold on, hold on. Someone's there to catch you when you're ready to let go. By the Ganges, looking for another way, but all roads lead to heaven, no matter what they say. Krishna was a good man, why was he so blue? He was ready to cross over, he was ready. Et la dernière. Je me fais avoir à chaque fois. Et la dernière chanson, c'est moi qui paye pour vous. Free Drinks to Everyone. C'est en 2003 sur l'album Ringo Starr qui s'appelle Ringo Rama. Non, non, c'est pas Ringo Rama, c'est sur Choose Love. Et ça date de 2005. Et je suis out aujourd'hui. Allez, je vous offre les boissons. I don't know. sur les vues maîtres qu'il en restait un petit bout, alors j'ai voulu vous le laisser. Merci d'avoir écouté cette 571e saga des Fab Four. Je vais aller dormir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, en meilleure forme j'espère, en ce qui me concerne, et pour d'autres aventures. Eric finalement ne vient pas ce soir, je ne l'ai su que trop tard, mais c'est pas grave, il reviendra la semaine prochaine en super forme, c'est hyper promis. Donc du coup, son live du premier mercredi du mois sera le troisième mercredi du mois. C'est pas grave, du moment que c'est un live et que c'est bien fait. Et avec Eric, c'est toujours bien fait. Bisous les filles, poignée de main les garçons. C'est des Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. À très bientôt, ciao. Thank you. RIG 90.7, c'est vraiment la radio des Beatles.